الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur l'étude du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et donc dans la dernière allocution, dans le dernier cours, on avait terminé l'étude du chapitre concernant les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam al-Bukhari avait dédié un chapitre concernant les 99 noms en disant 100 moins 1, et il avait évoqué le célèbre hadith d'Abu Huraira radiallahu ta'ala an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah a 99 noms, 99 ismen mi'atan illa wahida, 100 moins 1, celui qui les dénombre entrera au paradis. Pour cela, dans le dernier cours, on avait parlé de deux questions importantes concernant, premièrement, le nombre des noms divins, des noms sublimes et magnifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que celui-ci ne se restreint pas à 99, mais plutôt qu'Allah jalla wa ala a gardé pour lui des noms que seul lui connaît, qui font partie de la science, qu'il a gardé dans la science de l'invisible, et dont nous, on n'en a pas la connaissance. On a dit que les savants ont tiré cela du hadith où le prophète ensemble enseigne l'invocation pour dissiper les soucis et la tristesse. Donc on avait dit que le prophète a enseigné à ses compagnons une invocation lorsque la personne elle est touchée par des soucis, par de la tristesse. Donc le prophète enseigne une invocation pour la dissipation de cela. Et dans cette invocation, après que le prophète sallam ait fait référence et allusion au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et ces noms que tu as gardés pour toi dans la science de l'invisible. Et les savants se sont basés sur cette partie-là lorsque le prophète sallam fait allusion au nom dont Allah jalla wa ala a gardé pour lui dans la science de l'invisible, pour déduire donc qu'Allah jalla wa ala a gardé des noms pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, jalla wa ala, nous en a fait connaître 99 de ces noms. Et on avait dit que l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, quand il a parlé de cette question, il a dit que c'était un accord des savants, qu'il y avait un accord des savants concernant ça. C'est-à-dire qu'une grande partie, une grande majorité de savants sont de cet avis. Il y a quasiment, comme le dit l'imam Nawawi, il dit qu'il y a un accord. Et de ce fait, la deuxième question, c'était relative au fait de dénombrer la personne qui dénombre ses noms de manière littérale entre au paradis. On avait expliqué le sens de cela, c'est le fait de les apprendre, de les comprendre et de vrai dans le sens de cela. Ensuite, dans le chapitre suivant, donc on va étudier un nouveau chapitre, l'imam al-Bukhari a évoqué un chapitre qui est en relation justement avec ce chapitre, du fait qu'il va mentionner dans le chapitre 6, Bab al-su'al bi asma'illahi ta'ala wa al-isti'adati biha. Chapitre concernant la demande, l'invocation par ces noms, par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la recherche de protection par le biais de, par ces noms-là, par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, chapitre qui est très important. Maintenant, l'imam al-Bukhari va mentionner dans ce chapitre le fait que implorer Allah et demander Allah par ses noms, cela est légiféré, qu'il faille faire cela. Allah Jalla wa Ala nous a enjoint et ordonné de faire cela. Et il va évoquer dans ce chapitre des hadiths qui vont dans ce sens, où qu'il y a des invocations. Vous allez voir, ça va être un chapitre très riche, du fait qu'on va apprendre des invocations où il y a la mention, l'évocation de noms sublimes et magnifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que ce chapitre est très important. Et Cheikh Ibn Al-Thaymin, premièrement, dans l'explication de ce chapitre, il va expliquer quelque chose de très important. Il va expliquer un enseignement très important. Dans cet enseignement, il dit que lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous informe dans son livre, en l'occurrence dans le verset 180 de Surat Al-A'raf, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا » Et Allah lui appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, l'auteur du commentaire, en annotation à ce verset, il va dire que « Fad'uhu biha » lorsqu'Allah dit « Fad'uhu biha », Invoquer le par ses plus beaux noms, ça suppose, sous-entend deux sens. Ça sous-entend deux sens. Al-awwal, le premier sens, c'est ta'abbud lillahi bi muqtadaha. Premièrement, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Selon les implications de cela. Fayakun ad-du'a fi qawlihi fad'uhu biha. Donc le sens de l'invocation dans la parole, dans le verset fad'uhu biha, invoquez-le par ses plus beaux noms, bimarna al-ibada. Le sens, c'est l'adoration. Pourquoi? Parce que parmi les sens de l'invocation dans la langue arabe, la linguistique arabe, parmi les sens de dua, il y a l'ibad, l'invocation, l'adoration. Donc parmi les sens de l'invocation dans la langue arabe, l'adoration. Pour cela, regardez ce qui prouve cela. Dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit « وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dans un verset, une traduction relative du sens du verset, Allah Jalla wa Ala dit وَقَرَ رَبُّكُمْ. Et votre Seigneur a dit اُدْعُونِي, invoquez-moi, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, je répondrai, je vous répondrai. Et certes, ceux qui s'y refusent, ceux qui refusent de m'adorer par orgueil, rentreront en enfer rabaissés. Traduction du sens du verset. Et donc, c'est pour ça que le premier sens supposé dans فَدْعُوهُ بِهَا, invoquez-le par ses plus beaux noms, al-ibada, l'adoration ici. ثم قال الثاني سؤال الله بها أي تجعلها وسيلة لك في الدعاء بأن تذكرها بين يدي الدعاء أو تختم الدعاء بها فتقول يا غفور اغفر لي مثلا. أما الاستعادة بها أن تقول اللهم إني أعوذ باسمك الأعظم أعوذ بكلمات الله التامة مثلا أعوذ بكلمات الله التامات يعني تعوذ بأسماء الله وصفات الله جل وعلا. Et donc dans le deuxième sens supposé, hein, sous-entendu dans le verset, il dit, donc là c'est la demande, donc là ce deuxième sens que va mentionner l'auteur du commentaire Charles Al-Thaymin, donc ça c'est le sens qui apparaît d'une manière claire, c'est-à-dire سؤال الله بها. C'est lorsqu'Allah nous dit invoquez-le par ses plus beaux noms, c'est-à-dire implorez-le, demandez-lui. Quel est le sens de demander-lui? Il dit ay taj'aluha wasilatan laka fi ad-du'a, c'est-à-dire tu lui demandes par le biais de ses noms. C'est le moyen, al-wasila, te menant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer, pour lui demander. Donc tu te sers de ses noms pour l'invoquer subhanahu wa ta'ala. Bi an tadhkuraha bayna yaday ad-du'a. Du fait que tu mentionnes, tu évoques ces noms dans ton invocation, mais il dit aussi tu peux conclure ton invocation par des noms divins, par des noms sublimes et magnifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, comme le fait par exemple lorsqu'on implore le pardon d'Allah, on dit Ya Ghafur, Ya Ghafur. Ghafur fait partie des noms sublimes d'Allah, c'est-à-dire le grand pardonneur par exemple. Allah Jalla wa Ala est Ghafur, est celui qui pardonne. Donc on dit Ya Ghafur, ô toi le pardonneur, اغفر لي, pardonne-moi. Vous avez vu, on demande le pardon à Allah Jalla wa Ala en utilisant l'un de ses noms sublimes et magnifiques, subhanahu wa ta'ala. Et observez bien ici, lorsque Shaykh Al-Uthaymeen a mentionné le verset وَقَرَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبَرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمْ دَخِرِينَ. Ce verset qu'on a dit tout à l'heure, lorsque Allah Jalla wa Ala a dit dans son livre, et en l'occurrence c'est le verset 60 de Sourate Ghafir, le pardonneur, où Allah dit, et votre Seigneur a dit, Ud'uni, invoquez-moi, je répondrai à vos invocations. Je vous répondrai, dans une traduction littérale. Et ça, ça nous rappelle une histoire. Un jour, il nous a rapporté une histoire, qu'un jour des gens, c'était en Irak, et plus particulièrement, dans une région, une province d'Irak qui est célèbre, Al-Basra. C'était Al-Basra. Et on est à peu près au 3e siècle de l'Hégire. Pourquoi? Parce que c'est une histoire avec un grand imam de ce temps, de ce siècle, qui s'appelait Ibrahim ibn Adham. Il était surnommé Abu Ishaq. Et lui, il faisait partie des dévots de son temps. Il faisait partie vraiment des pieux de son temps. Et il a marqué les gens de son époque par sa piété et sa dévotion. Et alors qu'un jour, les gens l'ont rencontré, ils se sont réunis autour de lui, et c'était à Al-Basra, et lui ont dit, Ya Aba Ishaq, Allah Jalla wa Ala dans le Coran nous a dit وَقَارَ رَبُّكُمْ وَقَالْ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي invoquez-moi, أَسْتَجِبْ لَكُمْ je vous répondrai. Alors ils ont dit, on invoque depuis un certain temps et on n'a pas eu de réponse. Et là, l'imam leur a répondu une parole vraiment grande, une grande parole en leur disant مَتَتْ قُلُوبُكُمْ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Matat qulubukum, en leur disant ya ahl al basra, ya ahl al basra, matat qulubukum bi asharati ashya, ô vous gens de al basra, de cette région, hein, habitants de al basra, vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Et donc il leur a mentionné ces 10 choses. Faqala rahimahullah, araftum Allah wa lam tu'addu haqqahu awalan, thaniyan قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به قرأتم القرآن ولم تعملوا به ثالثا ادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركتم سنته رابعا ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه خامسا ادعيتم حب الجنة ودخول الجنة ولم تعملوا لها سادسا ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم سابعا قلتم الموت حق ولم تستعدوا له ثامنا اشتغلتم بعيوب الناس ولم تنشغلوا بعيوبكم تاسعا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا عاشرا أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها. Alors l'imam leur a cité 10 choses et à cause de ces 10 choses, il leur a dit vos cœurs sont morts. Et c'est ça qui est un obstacle. En quelque sorte, l'imam leur enseigne que ces 10 choses-là sont un obstacle qui font des causes qui font que vous n'avez pas eu de réponse à vos invocations. Il leur dit premièrement, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Vous avez connu Allah, mais vous n'avez pas accompli le droit d'Allah. Deuxièmement, qara'atum kitab Allah. Qara'atum al-Qur'an. Vous avez lu le livre d'Allah. Vous lisez le Qur'an, mais vous n'œuvrez pas. Vous ne pratiquez pas ce que vous avez lu dans le livre d'Allah. Thalithan, troisièmement, vous avez prétendu l'amour du messager d'Allah, mais vous avez délaissé sa sunna. Quatrièmement, vous avez prétendu l'animosité au shaitan, du diable, alors que vous lui avez obéi. Cinquièmement, vous avez prétendu l'amour du paradis, vouloir rentrer au paradis, mais vous n'avez pas œuvré en conséquence. Sabi'an, ou sadisan plutôt, sixièmement, et da'aytum, vous avez prétendu le fait de vouloir être sauvé de l'enfer, mais vous avez précipité vos propres personnes dans cet enfer. Sabi'an, septièmement, qultum, vous avez dit, la mort est vérité, mais vous vous préparez pas, vous n'êtes pas préparé pour celle-ci. Thaminan, huitièmement, vous êtes préoccupé et occupé des défauts des gens, des autres, alors que vous avez délaissé vos propres défauts et la préoccupation de vos propres défauts. Neuvièmement, dafantum mautakum. Vous avez enterré vos morts, neuvièmement, mais vous n'avez pas tiré de leçon à cela. Et dixièmement, il dit, akaltum ni'mat Allah. Vous mangez les bienfaits d'Allah et vous le remerciez pas pour cela. Donc regardez, c'est vraiment une grande parole. Il leur dit ça, il leur fait comprendre, c'est les causes pour lesquelles leurs invocations n'ont pas été exaucées, ils n'ont pas eu de réponse à cela. C'est pour ça que ça, c'est un grand rappel. Il faut que la personne, sans cesse, il s'autocritique, il fasse son examen, il fouille en lui-même. Sans cesse, la personne, lazim yufattish, il doit fouiller en lui-même, s'autocritiquer, se critiquer, faire son examen, conscience. Pourquoi être se préoccuper de ses propres défauts? Pourquoi? Parce que parfois, il y a certains péchés qui peuvent être des obstacles. Et ça, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il fut interrogé dans sa célèbre fatwa, lorsqu'il fut interrogé au sujet des moments propices pour invoquer Allah pendant les journées du Ramadan, alors lorsqu'il nous interrogeait sur le temps, lorsqu'on va rompre le jeûne, le moment précis où la vocation est exaucée, alors il a fait un rappel que sur la journée, après chaque prière, par exemple, il y a des moments de la journée pour le jeûneur où son invocation, elle est exaucée. Allah, Jalla wa Ala, répond aux demandes. Ensuite, il a expliqué d'une manière plus particulière le moment où qu'il faille aussi invoquer Allah lorsqu'on va rompre le jeûne. On avait déjà parlé de cela dans une allocution précédente. Au moment où on va rompre le jeûne, il y a un moment où l'invocation est exaucé. Donc, c'est des moments qu'il faut invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et d'une manière plus générale, l'invocation du jeûneur, eh ben, c'est une bonne invocation et Allah, Jalla wa Ala, répond à l'invocation du jeûneur. Mais Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, ensuite, il va faire une portée d'attention sur quelque chose d'important. Et il va faire allusion et référence à ce qu'on appelle al-mu'awiqat. Al-mu'awiqat. Ce sont les obstacles. Les obstacles pour se voir répondre à nos invocations, pour la réponse, pour l'exaucement de nos invocations. C'est pour ça qu'il y a des péchés qui sont des barrières, en quelque sorte, des obstacles pour la réponse de nos demandes et de nos invocations. C'est pour ça que la personne doit savoir cela pour qu'il puisse justement fouiller en lui-même. Et s'il a des manquements, des fautes, des péchés qui peuvent être des obstacles, eh ben, de s'en repentir et de demander le pardon pour que cela ensuite ne soit pas des obstacles et une barrière. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux croyants. Allah dit aux croyants dans ce livre. C'est pour ça que le verset dont a fait référence et allusion au Cheikh Ibn Al-Athaymeen, c'est un verset qui est immense, comme on l'a dit, le verset 60 de Sourate Ghafir. Lorsqu'Allah dit, Ud'uni, invoquez-moi. Je répondrai, je vous répondrai. Donc regardez, Allah Jalla wa Ala s'adresse aux croyants, à ceux qui croient en lui, en leur disant, Ud'uni, invoquez-moi. Et Allah dit, en échange, je vous répondrai. Donc Allah Jalla wa Ala répond aux demandes et aux invocations de ses serviteurs. C'est pour ça que la parole de l'imam, ça c'est la parole digne d'une personne de ceux qui connaissent leur Seigneur, de ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez lorsqu'il leur a dit, vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. Ça, c'était une personne qui connaissait Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela que celui, comme on l'a dit maintes fois, celui qui connaît son Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors il va comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de ces choses que les gens ignorent et dont les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens sont dans l'incompréhension au sujet de certaines ou de beaucoup de choses. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît son Seigneur, qui connaît sa religion, lui va comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que ce verset est immense. Donc regardez, en ce qui concerne le verset, invoquer Allah par ses plus beaux noms, donc Cheikh Al-Uthaymeen, l'auteur du commentaire, a évoqué les 200 sous-entendus dans Fad'uhu biha, fad'uhu biha. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, wa amma l'isti'adatu biha. Et en ce qui concerne maintenant la demande de protection, lorsqu'on recherche protection près d'Allah. Antaqula Allahumma inni a'udhu bi'ismik. Allahumma inni a'udhu bi'ismik al-a'zham. A'udhu bi kalimati Allahi tammat, yani ta'awwadh bi asma'i Allahi wa sifati Allahi azza wa jal. Lorsqu'on parle de recherche de protection. Là, la recherche de protection, si, on peut la faire par le biais des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, lorsque la personne dit, Ô Seigneur, certes, je cherche refuge auprès de toi par ton plus ou tes plus beaux noms, par tes noms, ou bi ismikal ardam, ou par ton plus grand nom, par exemple, ou a'udhu bi kalimati Allahi tammat, ou bien je recherche refuge auprès d'Allah par Kalimat illahi tammat, comme c'est évoqué dans des hadiths, dans des récits. C'est-à-dire, ta'awwadh bi asma illahi wa sifati. Dans le sens, rechercher protection d'Allah par le biais de ses noms et ses attributs. Donc, vous avez vu, vous pouvez rechercher la protection d'Allah et demander la protection d'Allah, vous réfugier auprès d'Allah par ses plus beaux noms et par ses attributs, comme nous l'enseigne Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc, vous allez voir ce qu'on va apprendre dans ce chapitre est très important. Pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari, ensuite, va mentionner différentes invocations, différents récits du prophète, sallam, qui renferment des invocations. Et dans ces invocations, on va voir des exemples d'invocations où il y a l'évocation et la mention de noms sublimes et magnifiques d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on continuera, inshallah, cela dans la prochaine allocution, inshallah. Avant de se quitter, très très rapidement, toujours lié aux adorations, on voit qu'en ces jours, alors qu'on vit les derniers jours de ce mois béni du Ramadan, on a pu entendre certaines fatwas, en l'occurrence une fatwa de certains savants contemporains, et en l'occurrence la fatwa du mufti d'Arabie, le Cheikh Abdelaziz Al-Shir, disant que les gens pourront effectuer et célébrer la prière de l'Aïd dans leur demeure, ou bien dans leur maison. Et donc, cette fatwa est liée au contexte, hein, est liée aux circonstances inhabituelles qu'on vit. Donc, c'est une année qui est spécifique, qui est inhabituelle, ce qui se passe cette année. Donc, on n'en a pas l'habitude. Le fait que c'est une épidémie qui s'est propagée dans le monde, et cette épidémie a touché la majeure partie des pays du monde. Et donc, on constate que beaucoup de pays, à part si d'ici là, d'ici quelques jours, il y a un changement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si Allah veut qu'il y ait un changement, si Allah décrète cela, il peut y avoir un changement. Sinon, dans la majeure partie des pays du monde, donc les musulmans, ils vont célébrer cette prière chez eux. Et du fait que donc ces musulmans ne pourront pas célébrer cette prière, soit fait al-musalla dans un endroit, que ce soit fil khala ou fil sahra, dans un endroit dédié pour cette prière, ou bien dans les mosquées, alors certains savants ont émis cette fatwa que les gens pourront célébrer cette prière chez eux. Et cette fatwa est liée, et il y a une question pour comprendre cette fatwa elle est liée à une question. La question c'est concernant le rattrapage de la prière de l'Aïd pour ceux qui l'ont manqué, pour ceux qui l'ont raté, si vous voulez. Donc les savants, vous pouvez voir dans les livres de jurisprudence, ils ont traité cette question pour une personne qui, par exemple, pour différentes raisons, a manqué Salat al-Aïd. Donc il a raté la prière de l'Aïd, soit parce qu'il est venu en retard, soit parce qu'il n'a pas eu l'information. Ensuite, il a su au dernier moment qu'il allait avoir l'accomplissement et la célébration de la Salat al-Aïd, donc il a raté la Salat al-Aïd. À ce moment-là, est-ce que lorsqu'il vient et il voit qu'il a manqué cette prière, et l'imam a fini, par exemple, l'imam est en train de faire al-khutbah, le prêche, est-ce qu'il peut la rattraper? Les savants, la majorité, une grande partie de savants, considèrent que na'am, considèrent que la personne doit rattraper Salat al-Aïd, qu'il peut rattraper Salat al-Aïd. Et de ce fait, conformément à cet avis, les savants disent donc, dans des situations inhabituelles, par exemple, dans des circonstances inhabituelles, donc aussi, de la même manière, les personnes qui ne peuvent pas donc célébrer Salat al-Aïd dans un film Salat, dans des endroits dédiés à cela, ou bien film Masajid, dans les mosquées, dans ce cas-là, ils peuvent l'observer et la célébrer chez eux. Voilà, donc cette fatwa-là est due à cet avis-là. C'est pour ça que ça, c'est l'avis d'une grande majorité de savants, déjà depuis les premiers siècles. Et c'est l'avis de beaucoup de savants contemporains. Et de ce fait, alors les savants disent que observer et célébrer la prière à la maison, donc ça consiste au fait que lorsque on sera au matin de cette journée, Salat al-Aïd ou du Aïd, hein, de cette fête, du jour de fête, alors les gens qui sont en famille pourront la célébrer en famille et se réuniront après s'être préparés, et ceux qui sont seuls chez eux pourront la prier seuls aussi. Donc on peut la prier en groupe comme on peut la prier seul. Alors la personne, les gens de la famille, par exemple, s'il la prend en famille ou bien la personne de manière individuelle, avant la prière se prépare. Le matin, ils vont se préparer. Donc il est recommandé méritoire de se doucher, de se parfumer, de choisir des beaux vêtements qui vont avec l'occasion du Aïd. Et ensuite, il est bon de manger des dattes, de prendre des dattes, comme c'était la sunna du prophète, sallam, d'un nombre impair, par exemple une date ou trois dattes ou bien cinq dattes, d'un nombre impair, comme la personne désire. Et ensuite, que la famille ensuite se réunit, les parents avec les enfants ou les membres de la famille de cette maison, par exemple, Ou bien la personne qui est toute seule aussi, pareil, il a pris tout seul. Ils se réunissent dans cet endroit de la maison où ils vont prier. Et là, ils évoquent la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar. Ils font le takbir, comme le takbir qu'on fait les autres années pendant la prière de l'Aïd. Ils font le takbir en attendant l'entrée du temps de la prière. Et l'entrée du temps de la prière, les savants nous disent que la prière de Salat al-Aïd commence à partir du lever du soleil. Lorsque le soleil se lève à la hauteur d'une, il s'élève à la hauteur d'une lance, c'est-à-dire environ 15 minutes. Donc après Shuruq, après le lever du soleil, à peu près de 15 minutes, commence et débute le temps de Salat al-Aïd. Et il va s'étendre jusqu'à l'arrivée du soleil à son zénith, c'est-à-dire à l'heure de la prière de Adh-Dhuhr. Donc tout ce temps-là, c'est le temps pour la prière de Salat al-Aïd. Cela profite que la personne, par exemple, de fait de savoir cela, la personne, par exemple, qui est en retard, ou pour X raison, il n'a pas pu l'accomplir, par exemple, au premier temps. Alors, tant qu'il est dans le temps, il peut la rattraper et il peut l'accomplir. Pour différentes raisons, s'il n'a pas pu l'accomplir au premier temps, si par exemple il est en retard ou autre, tant qu'il est dans le temps imparti pour Salat al-Aïd, alors il peut l'accomplir. En ce qui concerne le statut religieux de cette prière, alors certains savants considèrent qu'elle est sunna, d'autres savants considèrent que c'est une obligation. C'est une obligation, sauf que elle rentre parmi les obligations suffisantes. Si une partie de musulmans l'observe et la célèbre, alors elle n'est pas obligatoire pour l'ensemble des musulmans. L'obligation, c'est qu'une partie la célèbre. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une obligation suffisante. Et on voit que beaucoup de savants, spécialistes, dans les vérifications de questions jurisprudentielles, eux considèrent qu'elle est une obligation. Parce que c'est une obligation parmi les obligations personnelles et individuelles. C'est-à-dire qu'il incombe à chacun de la célébrer. C'est-à-dire que chaque musulman doit faire salat et doit prier salat el-Aïd, que c'est une obligation personnelle. Aussi bien que pour les hommes que pour les femmes. Et ça, comme on l'a dit, c'est l'avis de nombreux savants qui sont des spécialistes dans les vérifications des questions jurisprudentielles. En l'occurrence, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, c'est l'avis parmi les savants contemporains de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz et de nombreux savants contemporains. Et donc, ils considèrent qu'elle est une obligation. C'est pour ça même le rattrapage, le statut au sujet du rattrapage diffère selon la vie. Si les savants qui considèrent que la prière, par exemple, est une obligation personnelle, alors pour eux, la rattraper est une obligation personnelle aussi. Donc la rattraper est une obligation. Taïm. En ce qui concerne donc le statut religieux, voilà ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le statut religieux de Salat el-Aïd. Donc pour effectuer, très rapidement pour terminer, pour prier Salat el-Aïd, alors une fois que la famille est réunie, on fait takbir, on évoque la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar, on fait takbir, et ensuite lorsqu'il y a l'entrée du temps de Salat el-Aïd, alors ensuite celui qui préside la prière s'avance et on range, on place les rangs comme pour une prière en groupe, pour les prières quotidiennes. Donc on place les rangs. Ensuite, celui qui préside la prière fera un takbir et dira Allahu Akbar. Donc on a le premier takbir, c'est ce qu'on appelle takbirat al-ihram. C'est le takbir qui marque l'entrée dans la prière, le début ou bien le commencement de la prière. Et ensuite, il fera suivre ce takbir de 7, plutôt 6 takbirat. Pourquoi? Parce qu'en tout, il faut faire 7 takbirat. 7 takbirat. Donc dans ces 7, il y a takbirat al-ihram. Il y a dans ces 7 takbirat al-ihram. Donc takbirat al-ihram est inclus dedans. Donc ça veut dire qu'il dit Allahu Akbar. Donc ça, c'est un pilier, c'est très important pour rentrer dans la prière. Ensuite, il fera suivre ce takbir de 6 takbirat. Ce qui fera un nombre total de 7 takbirat. 7 takbirat. Après qu'il ait fait le premier takbir, il est recommandé, ce n'est pas une obligation, mais il est recommandé d'invoquer Allah, de faire ce qu'on appelle Dua al-Istiftah. Vous avez vu l'invocation d'ouverture dans les autres prières. Lorsqu'on commence une prière, il y a une invocation qui s'appelle invocation d'ouverture. Donc il est bon d'invoquer Allah par cette invocation. Donc certains savants disent qu'on l'a dit après le premier takbir, takbirat al-ihram. Ensuite, on fera les 6 takbirs. Et c'est après les 6 takbirs qu'on dira « A'udhu billahi minash shaytan الرجيم. On fera l'istiada. Et ensuite, on dira Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et on fera al-Basmala. Et ensuite, on lira Surat al-Fatiha. Donc, on fera takbir le premier. Ensuite, dua al-Istiftar. Ensuite, on fait les six takbir. Les six takbir. Et après ces six takbir, on fera l'istiada ou al-Basmala. Et on lira Surat al-Fatiha. On lira Surat al-Fatiha. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz. Et c'est l'avis de nombreux savants. C'est l'avis de nombreux savants qui stipulent que dua al-Istiftar, on l'a fait à ce moment-là. Sinon, d'autres savants considèrent qu'on peut faire les sept takbirat, et à la fin des sept takbirat, à la fin, après, lorsqu'on les a finis, eh ben, on peut faire dua al-Istiftar. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit qu'on l'a fait après takbirat al-Ihram, sinon l'affaire, il y a largesse. Il y a tolérance et largesse. Soit après le premier takbir, soit pour ceux qui veulent faire à la fin des sept takbirat. Donc les takbir, on les fait doucement. La personne prend son temps. Il les fait doucement. Après les takbirat, donc on peut faire les sept takbir de la première unité de prière. Pourquoi ? Parce que cette prière se compose de deux unités de prière. Et là, il y a un consensus. Il y a ijma, unanimité des savants sur cela. Qu'elle se compose de deux unités de prière. Donc après les sept takbirat, on lit surat al-Fatiha. Ensuite, il est bon de réciter surat al-A'la, sabbih isma rabbika al-A'la. Et ensuite, on termine l'unité de prière. Dès qu'on a fini l'unité de prière, on va à la fin de cette unité, on va dire Allahu Akbar pour se relever, ce qu'on appelle takbirat al-intiqal, du déplacement. Une fois qu'on est relevé, donc on est debout pour la deuxième unité de prière, là, on fait cinq takbirat. On dit cinq fois Allahu Akbar, on fait cinq takbirat. Et ensuite, pareil, on lit surat al-Fatiha. Et ensuite, il est bon de lire surat al-Ghashiyya. Surat al-Ghashiyya. Donc, il est sunna de lire ces deux surats. Dans la première raka'a, on lit surat al-A'la. Et dans la deuxième, al-Ghashiyya. Ça, c'est pour ceux qui la connaissent. C'est pour ceux qui la mémorisent. Sinon, on peut, les savants disent que, on peut, pour ceux qui ne la connaissent pas ou la mémorisent pas, ils peuvent réciter une surat de leur choix. Ils récitent une sourate du Coran de leur choix. Comme aussi les sunnahs, on peut réciter aussi sourate Qaf et sourate Al-Qamar aussi. Sourate Qaf dans la première unité et sourate Al-Qamar de la lune dans la deuxième unité. Ça aussi, c'est rapporté. Une fois qu'on a fini la deuxième unité, ensuite, après les salutations, les gens de la famille se félicitent. Pour la prière de l'Aïd, et de ce fait, on a accompli Salat al-Aïd. Sauf que la différence, c'est qu'il n'y aura pas de khutbah. Il n'y aura pas de khutbah. Pourquoi ? Parce que pour celui qui rattrape sa prière, il n'y a pas de khutbah. La khutbah est liée à l'imam. Et il n'y a pas de adhan ni d'iqama. Donc il n'y a pas d'adhan, d'appel à la prière, et il n'y a pas d'iqama. Donc voilà, d'une manière générale, hein, d'une manière générale et relative, en résumé, la Salat al-Aïd à la maison. Wallahu a'lam, on va se quitter sur cela. وبالله التوفيق اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك